Tous ces gens qui se pressent ne verront pas la vie, moi je hais la vitesse et la nuit. Ce noir où tu me laisses, ces hommes que j'envie, ton corps est une messe et je prie. C'est ici qu'on se laisse, c'est là que tu m'oublies, mais j'irai voir en Grèce si j'y suis. Tu sais, c'est ici qu'on se laisse, c'est là que tu m'oublies, mais j'irai voir en Grèce si j'y suis. Un cœur et des paupières, c'est juste pour l'envie, comme on veut voir la mer à Paris. Tu seras là hier, je me suis fait des amis au milieu de mes bières. Je t'ai dit, c'est ici qu'on se lasse de ne faire que des rêves où l'amour se passe et s'achève. Ce noir où tu me laisses, ces hommes que j'envie, ton corps est une messe et je prie. Ce noir où tu me laisses, ces hommes que j'envie, ton corps est une messe et je prie. Oh, c'est là que tu m'oublies, mais j'irai voir en Grèce si j'y suis.